les hommes aux semelles de vent. رجال بنعال من ريح itinérance en Méditerranée رحلة في حوض المتوسط Grande traversée Aude-Émilie Judaïc et Thomas Duter Naissance de la République turque. Sur les cendres encore fumantes de l'Empire ottoman, Mustafa Kemal Atatürk proclame la République laïque de Turquie. Ainsi s'achèvent 6 siècles de domination ottomane sur l'Anatolie, les Balkans, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et sur le pourtour de la péninsule arabique, de l'Égypte et de l'Afrique du Nord. Fondée par la tribu des Oruzes, qui s'imposa sur les autres nomades de la région, l'Empire ottoman grignota peu à peu les territoires byzantins, jusqu'à faire sienne la ville de Constantinople, dernière enclave chrétienne au milieu de l'Anatolie devenue musulmane. Capitale de la sublime porte, Constantinople deviendra le reflet de la diversité culturelle, ethnique et religieuse du sultanat ottoman, et jettera un pont entre Europe et Asie, entre islam et chrétienté. Mais au début du XXe siècle, l'Empire mosaïque explose en une multitude d'États-nations aujourd'hui en crise, que ce soit dans le Caucase, dans les Balkans ou au Proche-Orient. Et dans sa chute, il entraîne le peuple kurde, qui n'obtiendra jamais l'État qui lui était pourtant promis. Pour en parler, je recevrai autour de 10 heures l'historien Hamit Bozarslan et le géopoliticien Gérard Chalian. Mais pour l'heure, suivons la piste des peuples nomades, qui dessinèrent les frontières de l'Empire ottoman en compagnie du géographe Stéphane de Tapia. Steppe d'Arkitch, là où on doit la mer Océane, il est une ville de mécréants édifiée en lieux escarpés. Leurs filles et leurs brus récitent des prières à l'envers. Les seigneurs de Sansida jouent avec des osselets d'or. À 6 reprises, les Oruzes ont tenté sans succès de prendre cette ville. Moi, Kangekoka, je suis allé à cette citadelle avec 6 hommes. Et en 6 jours, sans relâche, je l'ai prise. J'ai démoli leur église, édifié à sa place une mosquée et fait chanter l'appel de la prière. J'ai fait jouer leurs filles et leurs brus sur ma blanche poitrine, et fait de leur seigneur des esclaves. دشت و صحرای برامندی شو چال خسوشونه به سر Commencent les histoires en turc dans les contes et légendes, enfin plutôt les contes, on commence par une formule assez amusante qui est bir varmış bir yokmuş. Ce qui peut se traduire que il était, il n'était pas. Et c'est comme ça qu'en fait les papy-mamies, fut un temps, racontaient les contes aux enfants, hein, dans les maisons, sous les yourtes, etc. Donc, d'où viennent les Turcs ? Les Turcs s'appellent les Turcs. Et on les connaît depuis, on va dire, le 4e siècle après Jésus-Christ, parce qu'ils sont à la fois dénommés comme ça par les Chinois, donc les annales chinoises des empires centraux de la Chine, vraiment du fond du Moyen-Âge. Et puis en fait, on a retrouvé beaucoup plus tard un certain nombre de stèles, donc des stèles gravées, dans les steppes de Mongolie, avec une écriture totalement intraduisible. Et pendant longtemps, on s'est demandé ce que c'était. On est passé par le latin, par le sanskrit, par l'alphabet mongol, tibétain, etc. Ça ressemblait quelque part à des caractères runiques, donc on est même passé par les vikings. Et puis on a mis longtemps avant de trouver une de ces stèles qui était bilingue. C'est un peu comme l'histoire de Champollion de la pierre de Rosette. Il y avait une face en chinois, donc en chinois médiéval, et une face dans cette langue. Et quelques, j'irais, turcologues géniaux, c'est le début d'une science, ont commencé à traduire ces textes. Et c'est comme ça qu'on a compris que les Turcs étaient un peuple nomade, qui se trouvait à l'époque dans ce qui serait aujourd'hui le centre de la Mongolie, c'est-à-dire les Mohangai, qui est une sorte de, on va dire, de steppe boisée. Hein, c'est des montagnes pas très très haute, on est très loin des altitudes du Tibet ou de l'Asie centrale, mais c'est quand même des montagnes qui culminent à 3800, 3900 mètres, etc. Donc relativement vertes, avec d'immenses prairies, mais on est quelque part sur une sorte d'île montagneuse qui se situe au sud de la Sibérie. Donc on a encore, pour ce qui est du climat, il peut faire très froid, l'été il peut faire très chaud, mais on a quand même un mélange de steppes infinies, mais aussi de massifs boisés. Et donc les Turcs, quelque part, sortent de là. Donc, messire, il y avait parmi les Oroux un vaillant homme qui avait pour nom Kanglokoka. Il avait un fils qu'on nommait Kanturale. Un jour, Kanglokoka regarda son fils en face et l'interpella. Voyons, messire, ce qu'il lui dit. Viens près de moi, mon fils, mon poulain. Quand j'ai regardé vers ma droite, j'ai vu mon frère. Il a coupé des têtes, versé le sang, pris du butin, acquis du renom. Quand j'ai regardé vers ma gauche, j'ai vu mon oncle. Il a coupé des têtes, versé le sang, pris du butin, acquis du renom. Quand j'ai regardé devant moi, je t'ai vu. Tu as atteint 16 années d'âge. Un jour viendra où je tomberai mort et toi tu resteras. Tu n'as ni bandé d'arc, ni lancé de flèche, ni coupé de tête, ni versé le sang. Tu n'as pas acquis de renom parmi les Oroux. Quand demain le temps aura tourné, quand je serai mort et que tu resteras, ils ne te donneront pas ma couronne et mon trône. Alors, quand je pense à ma mort, je pleure, mon fils. Voyons, messire, ce que Kanturale répondit à son père. Père, de ce pas je vais harnacher mon cheval de Kazeluk à la crinière noire, partir en razzia au pays des mécréants sanguinaires, couper des têtes et verser le sang. Je ferai vomir le sang aux mécréants. Je ramènerai des esclaves et des odalisques. Je te montrerai ce que je peux faire. Kanglokoka lui répondit. Fils, là où tu veux aller, les routes tournent dans tous les sens. Là, il y a de la boue et des fondrières où les cavaliers s'enfoncent. Il y a des forêts que l'aspi lui-même ne peut franchir. Là, il y a une citadelle qui se mesure avec les cieux. Ils ont des beautés qui vous éblouissent et vous prennent le cœur. Ils ont des bourreaux qui vous tranche la tête en un éclair. Fils, que les augures soient avec toi. Puisses-tu nous revenir sains et saufs. La migration, je dirais qu'elle est presque dans les gènes de tous les peuples de la région, parce que le terme qui signale la migration, enfin qui traduit la migration dans les langues turques, c'est göç. Or, göç est un terme qui est très polysémique. Ça signifie la migration. Ça peut être aussi, chez les nomades, la charge du chameau. Hein, c'est-à-dire que ça peut être, à la limite, ça pourrait être la charge du camion aujourd'hui. Ça peut être utilisé pour les oiseaux migrateurs, c'est logique. Ça peut être utilisé pour les glissements de terrain. C'est en fait le passage d'un lieu à un autre, de manière très générale. Bon. Et donc, c'est quelque chose qui se retrouve chez les Kazakhs, chez les Kirghiz, chez les Tatars, chez les Bashkirs, chez les Tatars de Sibérie, chez les Turcs, les tribus des Turcs d'Iran, etc. On va toujours trouver ce terme de Göç qui est extrêmement important, mais vraiment polysémique, hein, qui peut se décliner, je dirais, à l'infini. Bon. Alors, entre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait les origines de la langue turque en Mongolie centrale et l'émergence d'un empire ottoman, allez, on va dire 5, 6, 7 siècles après, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le peuple Oghuz, alors qui était le peuple Oghuz ? On n'en sait rien. Hein. On a toute une série en turc destan, c'est-à-dire d'épopées qui sont restées orales pendant très longtemps et qui ont été écrites assez tardivement vers le 15e, 16e siècle. Il y a un ancêtre éponyme, Oğuzhan. Donc comment on est passé de la Mongolie centrale à Istanbul, Constantinople ? Ben, il y a beaucoup de siècles. Hein. Il y a des migrations incessantes, en groupe, des migrations de nomades, qui sont à la fois des nomades pastoraux, mais en même temps des nomades guerriers. On pourrait dire quelque part que la migration turque vers l'Occident est peut-être presque un produit de la construction de la Grande Muraille de Chine, par les Han, par les États centraux, donc par l'Empire de Chine, et puis par les guerres incessantes que se livrent les nomades sur la frontière actuellement de la Mongolie, entre les sédentaires chinois, entre les empires centraux de Chine, donc les Han d'abord, mais après tous les empires qui vont suivre, et puis les peuples nomades. Donc le groupe Oğuz, ils sont dans un terrain qui est immense, c'est-à-dire l'Asie centrale actuelle. Hein, si on prend par exemple le cas du Kazakhstan, 16 millions d'habitants, 2 700 000 km², ça fait de la place. Ou la Mongolie, qui est aussi un pays presque de 2 millions de km², on n'est pas forcément embêté par ses voisins. Toujours est-il qu'on a quand même besoin de l'eau, on a besoin des pâturages, on a besoin d'un certain nombre de ressources naturelles. Donc il peut y avoir de la concurrence. Tourale prit 40 braves avec lui. Ils galopèrent 7 jours et 7 nuits, parcourant tout le pays des Oghuz intérieurs, poussant jusqu'au pays des Oghuz extérieurs, et arrivant finalement aux marches du palais des Mécréants. Ils dressèrent leur tente et prirent l'ablution d'une eau pure, firent une prière, récitèrent les oraisons de Muhammad au beau nom. Puis, tout de go, ils lancèrent leurs chevaux contre les Mécréants et jouèrent de l'épée. Ce fut un combat tumultueux comme au jour du jugement dernier. Le champ de bataille fut jonché de têtes. Les Oghuz furent rassasiés de butin et se partagèrent le meilleur des oiseaux de chasse, le plus beau des choix d'étoffe, les plus belles filles, un caftan brodé de 9 rangées d'or. Puis, Khan Touralle fit demi-tour et s'en retourna au pays des Oruz. Koka fut averti de l'arrivée de son fils. Il demanda « Mon fils a-t-il coupé des têtes et versé le sang? En a-t-il fait assez pour qu'on lui donne un nom ?»« Oui, monseigneur, et même au-delà, » répondirent les compagnons de Khan Touralle. À ces mots, Kangle Koka tomba dans les bras de son fils et le congratula. Tous deux se reniflèrent et hurlèrent comme des loups à l'état sauvage. Puis, riant joyeusement, Kangle Koka dit « Viens près de moi, mon fils, mon poulain. À présent, je ne trouve pas mieux à faire que de te marier tant que mes yeux voient encore le jour. » Le garçon répondit « Père, puisque tu veux me marier au plus vite, sais-tu quel genre de fille me convient ?» Khan Touralle ajouta « Je veux, père, qu'elle soit debout avant que je me sois levé. » Qu'elle ait enfourché mon pur sang de cracoche avant que je l'aie monté. Avant même que j'aie atteint le pays des infidèles, qu'elle y soit allée et qu'elle en revienne avec une tête coupée. C'est ainsi que je la veux. » Or, on disait que la fille du roi de Trébizonde était extrêmement belle et qu'elle était si habile à l'arc que d'un trait, elle pouvait décocher une paire de flèches, l'une à droite, l'autre à gauche, coup sur coup. Kangle Koka dit à son fils « Si c'est la fille que tu veux, va la chercher. Mais sache que le prix pour celui qui demande sa main, c'est de vaincre un monstre. Faute de quoi, le roi coupe la tête du malheureux prétendant. C'est ainsi que les fils de 32 seigneurs mécréants ont eu la tête tranchée au pied du donjon et montrée en exemple, pendue, haut et court à la muraille de la forteresse. » Donc tout ce maelstrom de peuples nomades va déferler de manière plus ou moins régulière sur l'Europe centrale et occidentale. Attila ayant été le plus loin. Et quelque part, les Turcs apparaissent, je dirais, dans la suite logique de sous ces peuples qui apparaissent vers le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, vont se succéder de manière plus ou moins régulière, vont souvent disparaître. Hein. On a Charlemagne, par exemple, qui commet de grands massacres des Avars, c'est connu. On a les Byzantins qui reprennent du poil de la bête de temps en temps, font des contre-offensives victorieuses, renvoient les nomades derrière les Balkans. Donc on a toute cette zone de la Russie du Sud, de l'actuelle Ukraine, qui est une zone de steppe, qui est peuplée par des nomades d'origine iranienne, par des nomades d'origine turcique. Donc c'est extrêmement complexe. On ne sait pas grand-chose en réalité, parce que souvent ils écrivent pas ou très peu. Donc on a des gens qui sont connus par l'intermédiaire de voyageurs. Hein, des voyageurs arabes, donc déjà musulmans, des voyageurs byzantins, ça peut être des Romains, ça peut être des Grecs, ça peut être des Arméniens, ça peut être des Iraniens qui remontent vers le nord, ou commercent avec eux, etc. Donc font connaissance, rapportent des choses intéressantes qui quelquefois les choquent, mais ne donnent pas beaucoup de choses en termes véritablement linguistiques. Hein. On va pas faire des dictionnaires à l'époque, hein. On va plus s'occuper du prix de la fourrure, de la zibeline, de l'ours ou du loup ou du vison, mais pas effectivement de la grammaire, de la langue de parle les gens d'en face. Donc effectivement, tout ça est extrêmement compliqué, assez peu documenté. Souvent, la meilleure documentation, au-delà de ce qui est écrit par les autres, bah, c'est l'archéologie. Quand on peut retrouver des tombes, et Dieu sait s'il y en a dans ces régions-là, qu'on appelle Kourgan, dans tout le sud de la Russie, jusqu'en Asie centrale et bien au-delà, en Sibérie. Donc là, on trouve des squelettes, des harnachements de chevaux. Les archéologues savent très bien, et maintenant, on a même, je dirais, les archéologues peuvent même utiliser les techniques de la médecine légale. Hein, on peut retrouver des ADN, enfin des choses tout à fait qui étaient totalement impossibles, même au XIXe siècle. Et on a souvent des choses, telle princesse morte chez je sais pas, 24 ans, on se rend compte, d'après la disposition, d'après les vêtements, d'après les bijoux, qu'en fait elle n'est pas turque, elle est iranienne. Ce qui peut poser des problèmes politiques, parce que le nationalisme ambiant fait que il faut à tout prix qu'on montre qu'on a une ancêtre prestigieuse, or c'est pas le cas. Mais en même temps, dans certaines tombes dès la Hongrie, on commence à voir que parmi les gens qui sont enterrés, on peut trouver côte à côte, par exemple le mari et la femme, on se rend compte qu'ils ont des types humains très différents. L'un étant plutôt mongoloïde, l'autre étant plutôt européoïde. Donc on voit que les nomades remplacent des populations, mais ces populations ne sont jamais intégralement massacrées. Au résultat, il y a des mélanges qui se font au fil du temps, il y a des mariages qui se créent, il y a des enfants, il y a des descendants, etc. Linguistiquement, c'est la même chose, les langues se rentrent les unes dans les autres, s'influencent. Pour en venir aux Turcs, ils arrivent quelque part en Anatolie, très tardivement, 1071. À partir de là, on a effectivement affaire à des tribus Oghuz, hein, linguistiquement, elles sont toutes à peu près de la même origine, qui vont commencer à s'installer en Anatolie, vont se battre avec les Byzantins, évidemment, avec les Arméniens, évidemment, peut-être avec les Géorgiens aussi, mais vont se battre aussi très rapidement avec les Croisés. Pas oublier que la prise de Jérusalem, c'est 1096, la reprise de Jérusalem, c'est 1099, et que finalement, ce sont des Turcs, les Seljoukides, qui déclenchent les croisades presque par accident, en prenant les lieux saints des chrétiens, en s'installant dans toute la région, donc la Syrie. Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que pour les géographes arabes de l'époque, le Bidal al-Turk, c'est-à-dire le pays des Turcs, c'est l'Égypte, la Syrie, en tout cas ces régions, hein, parce qu'ils se sont installés là. Le pied du cheval est véloce, la langue du barde est agile, messire. Sans perdre de temps, Kantourale alla trouver le roi de Trébizonde. Quand il vit les têtes coupées et le monstre, de frayeur, les poux de sa tête se rassemblèrent à ses pieds. Les mécréants s'écrièrent « Ce brave va être lancé en l'air comme un fétu de paille. Le monstre va l'étendre et le lacérer. Qu'il tombe en ruine, les pays Oghuz. » Et au même moment, ils lâchèrent le monstre. Il avait des cornes comme des pointes de lance de diamant. Il se rua sur Kantourale qui pria Muhammad au bon nom. « Je me suis réfugié dans ton unicité, ô Seigneur Tout-Puissant. À présent, j'implore ton aide. » Aussitôt, Kantourale asséna un tel coup de poing au monstre sur le front que celui-ci s'affaissa sur sa croupe. Il le prit alors par la queue et par trois fois le flanqua contre le sol. Les os du monstre se fracturèrent. Sortant son coutelas, Kantourale l'écorcha. Laissant le tas de viande sur place, il prit la toison, alla la déposer devant le roi et lui dit « Demain, à l'aube, tu me donneras ta fille. » Le roi ordonna « Hola, donnez-lui donc la fille et faites-le sortir de la ville. » Qu'il s'en aille, vite. Il y a des choses qui sont finalement encore peu connues, c'est-à-dire comment émerge un tout petit émirat dans la région de Bursa, au nord d'une montagne qu'on appelle Ulu'da, qui veut dire la montagne, c'est la grande montagne, mais grande, Ulu, c'est au sens majestueux. C'est presque la montagne sacrée. Donc c'est ce que les Grecs du secteur appellent Olympos. Donc là, dans cette région-là, apparaît un tout petit émirat. Le petit groupe d'Osman, hein, qui est d'une tribu turkmène, s'installe au contact de l'Empire byzantin. Et ce tout petit émirat va finalement donner cet immense empire ottoman, qui est quand même un cas de figure intéressant en Europe, parce qu'en fait, il va durer à peu près 610 ans. Khan Touralle et la fille chevauchèrent 7 jours et 7 nuits pour rentrer au pays des Oruz. À leur arrivée, on dressa des tentes blanches dont on couvrit le sol de tapis de soie multicolores. On fit sacrifier le meilleur des chevaux, des chameaux et des moutons. Kangle Koka ordonna la noce et reçut avec faste les grands bais du puissant pays des Oruz. Il y eut 7 jours de mangeaille et de beuverie. On fit venir le barde Dédé Korkout, qui chanta des chants épiques, et dit « Que cette geste soit celle de Khan Touralle le Brave, qu'après moi, les vaillants Zaed la chantent, et que les preux loyaux et généreux l'écoutent. » Au début, cet empire ottoman, ça ressemble presque à l'émergence de la France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tout petit état qui marchande, marie ses filles à des princes locaux ou à d'autres beys turkmènes, marie ses garçons à des princesses byzantines. Et le début de l'empire ottoman, c'est ça qui est intéressant, c'est très lent. Hein, ça émerge tout doucement. Mais on arrive quand même à la période des années 1360 où pour la première fois les Ottomans prennent pied sur ce qu'on appelle l'Europe, c'était dans la région de Gallipoli, hein, Gallipolou. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont très vite développer leur empire, peut-être plus sur le côté occidental, donc de l'autre côté du Bosphore et des Dardanelles, que sur le côté oriental, c'est-à-dire sur l'Anatolie, sur le côté asiatique. Les Ottomans, à partir de Gallipoli, donc 1354-1361, vont remonter, encercler ce qui reste de Byzance, il ne reste plus grand-chose, hein, autour d'Istanbul. Et Edirne, qui est Adrianopolis, donc est une ville grecque au départ, hein, aujourd'hui à la frontière de la Bulgarie et de la Grèce, Edirne va devenir la seconde capitale ottomane, la première est Bursa, et il va falloir attendre 1453 pour que Constantinople, donc il va s'appeler Istanbul, devienne la capitale de l'Empire ottoman. Cette carte, dessinée en 1422 par Cristoforo Buondelmonti, est la seule qui existe encore de la Constantinople byzantine avant sa conquête par les Turcs. Sur celle-ci, œuvre du cartographe ottoman Piri Reis, 70 ans après la chute de Constantinople, le changement est évident. Le sultan avait fait édifier de nombreux bâtiments caractéristiques de la civilisation musulmane, comme des bains, des mosquées et des médersas. Dès lors, la ville a pris un nouveau nom, Istanbul. C'est à ce moment que l'empire de Mehmed II a connu la croissance la plus rapide de son histoire. À l'est, les Turcs se sont emparés des beylicats encore indépendants et des dernières poches de résistance byzantine, asseyant leur domination sur toute l'Anatolie. Au nord, ils ont conquis la Serbie, la Grèce, la Roumanie et l'Ukraine. Bientôt, une bonne partie de l'Europe s'est retrouvée sous la coupe d'un empire ottoman de plus en plus puissant. که ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهل بندی در این دریا Kafi afyun. Les Ottomans ont créé un état stable, un état centralisé, à partir d'une toute petite tribu nomade, assez faible au départ. Religion officielle, l'islam. Mais si on reprend l'histoire en retournant en arrière, on se rend compte que des états créés par des nomades, dans toute l'Asie centrale et orientale, sont extrêmement courants. Alors ce qui est intéressant, c'est la capacité des nomades à récupérer des normes, je dirais, politiques de ceux qui étaient là avant. À la période, je dirais, classique de l'Empire ottoman, autour de Soliman le Magnifique, qu'on appelle d'ailleurs en turc Kanuni Sultan Suleyman, c'est-à-dire Soliman le législateur. Il était presque aussi fort que l'Union européenne pour édicter des règlements. Il se trouve qu'on a, sur un siècle ou deux, je ne me rappelle plus les chiffres, mais sur 57 grands vizirs, il y a deux Turcs. Tous les autres sont grecs, bosniaques, arméniens, albanais, roumains, et souvent c'est ce qu'on appelle des janissaires. Şeyin tabdil homad ne homun mondu ne deryan Çe danem men deger çun şod Ke çun gargast Ke çun gargast derbi Janissaire en turc, c'est la déformation Yeniçeri, c'est-à-dire nouvelle troupe, nouveaux soldats. Ce sont des esclaves qui ont été raflés lors de conflits, ou carrément, on fait des rafles dans les villages, on prend des enfants chrétiens, etc. Donc les enfants chrétiens, alors garçons ou filles, mais c'est surtout garçons. Les garçons, on va en faire des hauts fonctionnaires, on va en faire des militaires. Alors ça va depuis une militaire de base jusqu'au très haut gradé, les généraux par exemple. L'école des janissaires, en France, ça serait presque l'école nationale d'administration. C'est-à-dire qu'en fait, ça des gens, on les distingue selon leurs capacités. Alors évidemment, on les islamise. Ils sont pas forcément, à partir d'un certain moment, totalement coupés de la société d'origine. On a un certain nombre de dynasties de hauts fonctionnaires dont on sait qu'ils gardaient des liens avec la famille restée dans les Balkans ou en Anatolie centrale. Bon. Donc, système d'esclavage. Alors, les filles, c'est pour les harems, très clairement. Mais les harems, c'est pas du tout ce qu'on imagine, je dirais. Bon, c'est aussi, je veux dire, les filles vont faire ce qu'on faisait pour les femmes à l'époque en termes de culture. Mais ça allait très loin. Et en fait, les janissaires, ce qui est assez intéressant, c'est que ces esclaves se retrouvent à un moment en position de domination politique. Bon. Tous les grands vizirs sont des janissaires. C'est pas des Turcs. Tous les pachas, tous les généraux, les amiraux, etc., etc., sont des janissaires. Hein, à qui on va faire épouser des princesses ottomanes, qui sont de toute façon, quelque part, elles aussi, je dirais indirectement ou indirectement, des filles d'esclaves à partir d'un certain moment. Donc, c'est là où ça devient intéressant dans l'Empire ottoman, mais on a un peu la même chose, ça préfigurait chez les Seljoukides, ça se retrouve chez les Iraniens, ça se retrouve dans les dynasties arabes. On a effectivement une population musulmane qui a le pouvoir, mais qui se dote, en fait, je dirais, de hauts fonctionnaires, ou de petits fonctionnaires, de militaires, etc., qui sont tous des esclaves. Les Turcs, là-dedans, jouent pratiquement aucun rôle. Merhaba, ey mehteram. Merhaba. Mehter başı. Il est très clair que l'Empire ottoman se méfiait de ses cousins les plus proches, qu'il préférait avoir affaire à des esclaves ou à des contingents étrangers. Quelque chose de tout à fait célèbre. Quand Tamerlan s'attaque à l'Empire ottoman, donc au sultan Beyazid, c'est-à-dire Bajazet, la bataille se déroule en 1402 au nord d'Ankara, donc on est en pleine Anatolie centrale, près de l'actuelle capitale. Et en fait, ce qui est tout à fait intéressant, ce qui est totalement donné par les chroniques, les historiens, etc., etc., c'est que les contingents chrétiens vont rester fidèles au sultan jusqu'à la fin. Ça va être la garde rapprochée, ils vont se faire tailler en pièces plutôt que d'abandonner leur sultan, alors qu'ils sont chrétiens. Tandis que les contingents turkmènes, donc qui sont des cousins, si on peut les appeler comme ça, eux, ils vont passer du côté de Tamerlan. Il y a vraiment des guerres intestines à l'intérieur des familles pour faire en sorte que le fils de telle épouse du sultan prenne la suite du sultan, etc. Et qu'en fait, on se débrouille pour qu'il n'y ait pratiquement qu'un descendant qui soit aux positions de commande et les autres, on les élimine. Mais on les élimine physiquement. Plus on avance vers la fin de l'Empire ottoman, bah on va pas les éliminer physiquement, on va les mettre, je dirais, dans un coin, recoin du harem, pour qu'ils fassent pas de politique, etc., ou ils fassent de la poésie, c'est bon. Mais donc, ils ont compris le système qu'on retrouve chez les Mongols, qu'on retrouve chez les Mandchous, qu'on retrouve dans toutes les tribus nomades de cette région-là, qui est un système que les anthropologues appellent segmentaire. À savoir qu'on n'a pas de stabilisation comme on l'a par exemple dans les royaumes chrétiens du Moyen-Âge. Vous avez la loi salique chez les Français, hein, qui fait que c'est le fils numéro un de sa majesté qui prendra la suite à la place du père qui vient de mourir. Le roi est mort, vive le roi. Alors c'est variable selon qu'on se trouve en Suède, qu'on se trouve en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, en Espagne ou en France, mais on a une sorte de stabilisation quand même, hein, qui fait que c'est le descendant numéro un du roi qui va prendre, ou de la reine, si on est en Angleterre, qui va prendre effectivement la première place. Et c'est pas contestable. Hein. Il peut y avoir des guerres civiles, il peut y avoir des contestations, mais c'est quand même relativement rare. Dans le système nomade pastoral turco-mongol, la contestation, elle est systématique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque frère, chaque cousin qui se sent plus investi ou se sent plus fort, etc., peut très bien, par une méthode presque d'un coup d'État, revendiquer la place du khan ou du bey. Donc c'est d'une, je dirais, cette société qui est extrêmement dynamique, extrêmement performante, extrêmement instable, est une société qui crée des royaumes et des empires, mais sans arrêt. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement dans toute l'Asie centrale et la Haute Asie, on voit les tribus turques se succéder les unes aux autres, puis après les Mongols succéder aux Turcs, puis après les Mandchous succéder aux Mongols, etc. Et c'est un maelstrom, mais incessant, de population, qui crée des empires. Certaines dynasties, par exemple les beyliks d'Anatolie, de Turquie, on a des dynasties qui durent 50 ans. Hein, papa, un fiston, éventuellement petit-fils, qui se fait zigouiller par un, par un cousin, ou par le bey de la tribu d'à côté, et hop, on crée une autre dynastie. Donc les Ottomans, eux, ont trouvé un moyen de stabiliser, qui était d'éliminer systématiquement la concurrence, y compris à l'intérieur de la famille, hein, et en fait de mettre en exergue ce système de janissaires, qui faisait que là, on avait toute confiance, c'est les esclaves. Autrement dit, ils lèvent le petit doigt, on peut leur couper la tête. Hein, s'ils sont surdoués, ce qui est souvent le cas, bah effectivement, ce sont d'excellents généraux, ce sont d'excellents administrateurs, et on en tire le meilleur. On les couvre d'honneur, hein, ils ont un pouvoir mais immense, hein, mais ils peuvent très bien tomber du jour au lendemain par suite de complots, par rapport s'ils font une prévarication, s'ils font une bêtise quelconque. Le sultan a droit de vie et mort dessus. Le nomadisme en Turquie va perdurer jusqu'aux années 1950. Alors, mettons les Tziganes de côté, parce que c'est un cas très particulier, mais qui est très classique. Hein, je veux dire, les Tziganes arrivaient probablement de l'Inde, on les trouve en Afghanistan, on les trouve en Iran, on les trouve jusqu'ici en Europe occidentale. Ils sont passés par l'Empire ottoman et par la Russie du Sud. Et en Turquie, ils font à peu près les mêmes métiers, ils ont à peu près le même mode de vie que ceux d'Espagne ou de France ou de Belgique ou des États-Unis. Donc là, il y a vraiment des constantes, mais ça, c'est un cas très particulier. Il y a aussi les Kurdes. Les Kurdes qui sont très nombreux en Turquie et qui sont restés très longtemps aussi des nomades, avec un mode de vie d'ailleurs très proche. Hein. Mais disons que ça, c'est quelque chose, ce mode de vie a pas totalement disparu, mais presque. Les derniers nomades en Turquie sont extrêmement rares. Les Kurdes ont subi aussi tout ce qui tourne autour du cycle de répression entre le PKK, l'armée turque, et on leur a interdit les territoires, je dirais, de nomadisme. Les frontières aussi, la frontière de la Turquie moderne, pas oublier que l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, donc aujourd'hui Israël, etc., étaient des territoires ottomans. Donc pour ce qui était de steppe et de désert, on avait des nomades, par exemple les Chamars, qui étaient des nomades arabes, qui remontaient de l'actuelle Arabie Saoudite, pratiquement, ou de l'Irak, jusqu'au sud de l'Anatolie. Mais donc ces nomades, ils disparaissent pratiquement définitivement aujourd'hui. Bon. Ils ont disparu de manière relativement, on pourrait dire, progressive. On a des populations qui ont été sédentarisées très tôt, des populations qui ont été sédentarisées surtout au XVIe siècle, des populations qui ont été sédentarisées au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, des populations qui ont été sédentarisées dans les années 30, des populations qui ont été sédentarisées dans les années 70. Il est clair que les Ottomans n'ont avoir de cesse que de supprimer ou de sédentariser les nomades. On a des cas très précis où les nomades se révoltent pour des questions fiscales, pour des questions de territoire. Hein. Il se trouve qu'on leur interdit tel pâturage ou tel pâturage, qu'ils estiment que c'est pas, etc. Donc ils se révoltent, répression. On va par exemple les déporter à Chypre. D'autres vont être déportés dans les Balkans. Hein, ce qu'on appelle les Yeruks en Macédoine, c'est des descendants de ces populations déportées. Donc ça va aller très loin. On va déporter des Kurdes, par exemple, au sud d'Ankara, autour de Djanbeyli. Il y a des tribus kurdes qui ont été déportées au XVIIe siècle. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire kurde actuelle. Hein, c'est beaucoup plus ancien. Les Iraniens sont la même chose. On retrouve des Kurdes au Khorasan ou en Afghanistan, déportés par les Shahs d'Iran, pour les mêmes raisons. Ils sont remuants, ils sont guerriers, il vaut mieux les avoir loin que près. Hein, puis finalement, s'ils vont se bagarrer contre l'ennemi extérieur, c'est génial, comme ça, ça les empêche de se révolter. Donc on a effectivement toutes ces affaires-là qui fonctionnent plus ou moins bien. On a du diviser pour régner. Ce qui transparaît chez la population turque, c'est son sens politique affirmé, y compris dans l'immigration d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on est vraiment sur des systèmes, je dirais, d'empire, qui par décision sont multiculturels, multi-ethniques, multiconfessionnels. On a une caste dirigeante qui est d'origine nomade, qui connaît très bien, je dirais, le terrain, hein, qui sait exactement à qui elle a affaire, et qui va jouer sur la mobilité à tous les niveaux. Ce que j'appelle la culture de la mobilité, c'est effectivement tout ce type de mobilité extrêmement compliqué qui touche des catégories de population extrêmement larges. On va parler par exemple de la migration des Arméniens, ce qu'on appelle la migration en turc, la migration des Arméniens, ce que les Arméniens appellent le génocide évidemment. C'est quelque chose qui est là, en 1915 c'est véritablement un paroxysme, c'est pas la première fois. Hein. Des massacres contre les Arméniens, il y en a eu dans les années déjà 1890, 1900, 1909, mais ça c'est le cas, je dirais, le plus dramatique. Hein. Mais des cas de population déportée, pour X raisons, parce qu'ils ne payent pas leurs impôts, parce qu'ils se révoltent, parce qu'ils sont gênants sur les bords de la frontière, parce que ceci, cela, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Ce qui fait que tout Turc normalement constitué, moi j'ai un slogan, histoire de rire, c'était comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre, c'était un Turc peut en cacher un autre. Tout Turc normalement constitué sait qu'il est originaire d'ailleurs. Indépendamment de l'idéologie qui est de dire « nous sommes arrivés d'Asie centrale », donc ça c'est très matiné d'extrême droite, nationalisme, en Turquie, etc. Mais il y a aussi le fait d'être d'arriver de la vallée d'à côté, d'être d'arriver de la ville de très loin, d'être paysan et d'avoir dû migrer, d'être aussi, originaire d'ailleurs. Mais quand je dis d'ailleurs, c'est que la Turquie, on a tendance à oublier, parce qu'on la voit comme pays d'émigration, hein, massivement, c'est le cas depuis les années 50-60, 60-70 surtout, c'est aussi un pays d'immigration, et d'immigration extrêmement massive. « Depuis la Révolution française en 1789, l'étincelle du nationalisme s'était enflammée au sein de l'Empire ottoman. Dans un monde nouvellement industrialisé, une grande vague de troubles sociaux et politiques a commencé à monter. Avec l'appui des puissances européennes, les minorités non musulmanes ont réclamé leur indépendance vis-à-vis de l'État ottoman. Le nationalisme avait commencé à déchirer le monde ottoman. En 1830, les Ottomans ont été contraints de reconnaître l'indépendance de la Grèce. Par ailleurs, leur contrôle sur l'Égypte n'avait guère plus de réalité que son nom. En 1875, cela a été au tour de la Serbie, du Monténégro, de la Valachie et de la Moldavie de déclarer leur indépendance. Enfin, en 1878, les Ottomans ont perdu le contrôle de la Bulgarie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie. En 1699, c'est les traités, Karlovitz-Passarowitz, hein, c'est 1699-1718, c'est les traités qui commencent vraiment à marquer, la fin de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman s'est étendu jusqu'aux portes de Vienne, les Turcs sont forcés de reculer. 1699, le premier traité entraîne le départ d'un certain nombre, ce qu'on appelle en turc muhajir, qui est un nom d'origine arabe, qui veut dire les migrants, en fait les rapatriés. Ça commence par la Hongrie. Bon. Il s'agit en fait d'un retour, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de populations turco-musulmanes, ottomanes, ou apparentées, ou, alliées, qui ont été confrontées à l'arrivée d'une puissance chrétienne. Ça commence historiquement en 1699, avec la perte de la Hongrie, qui va occasionner les premiers retours, entre guillemets, de musulmans de Hongrie. Alors, quand on dit musulmans de Hongrie, soit effectivement c'est des Turcs, hein, mais ça peut être aussi des Hongrois convertis. Hein. Et il se trouve qu'on a, dans l'Anatolie des années 20, 30, 40, 50, un certain nombre de villages qui s'appellent Majarlar, qui veut dire les Hongrois. Donc ça, c'est des gens qui sont originaires de Hongrie. Bon. Dans ces populations, on va trouver des descendants directs, je dirais, des garnisons ottomanes, des fonctionnaires ottomans, des commerçants ottomans, éventuellement des populations déportées, comme justement les Yoruks, les Turkmènes, etc., qui étaient des nomades, qui avaient été punis, envoyés aux quatre coins de l'Empire. Mais on va aussi trouver un certain nombre de populations qui ont été islamisées dans des conditions très complexes, on va dire. Hein. Alors, toujours est-il que, au niveau des Mouhajirs, on a des populations originaires de Bosnie, des populations originaires d'Albanie, des populations originaires de Roumanie, de Bulgarie, de l'ensemble de Grèce. Quand je dis de Grèce, c'est aussi de Chypre et de Crète. Mais on va avoir aussi des populations, entre guillemets, alliées, c'est-à-dire des populations qui ne sont rigoureusement pas turques d'origine et pas turcophones au départ, mais qui sont musulmanes sunnites. C'est par exemple les Tcherkesses, les Tchétchènes, tous les habitants du Caucase du Nord. Il se trouve qu'il y a, à l'heure actuelle, des millions de citoyens turcs qui sont descendants d'Albanais, de Bosniaques, de Tcherkesses, de Tchétchènes. On a pratiquement toutes les populations du Caucase, toutes les populations des Balkans, y compris des populations serbes. On a par exemple ce qu'on appelle les Gorangi ou les Torbeshi, qui sont des petites populations à la limite entre la Serbie et la Macédoine, ou le Monténégro, qui ont été islamisés à un moment et qui se sont, entre guillemets, rapatriés sur la Turquie. Turquie ottomane d'abord, et Turquie républicaine ensuite. À partir d'Atatürk, ça continue. On va avoir de manière très régulière dans les années... alors d'abord les échanges, entre guillemets, les échanges de populations entre la Turquie républicaine, le traité de Lausanne, la convention de Lausanne, le traité de Lausanne entre les Grecs et les Turcs, en réalité entre les orthodoxes et les musulmans. Mais ça va continuer. On va avoir des échanges de ce type-là à partir du moment où, par exemple, l'Europe de l'Est devient communiste. Ben, il se trouve qu'il va y avoir éjection de dizaines de milliers de citoyens yougoslaves d'origine musulmane, de citoyens bulgares d'origine turque et musulmane, y compris des tziganes, de citoyens roumains, etc., etc. Les Russes, comme je disais tout à l'heure, au moment où ils descendent vers la mer Noire et la mer Caspienne, chassent pas simplement des Caucasiens, il y a aussi par exemple les Tatars de Crimée. Ça représente, au bout du compte, presque 7 500 000 personnes qui auraient traversé les frontières soit de l'Empire ottoman, soit de la Turquie républicaine pour se réfugier en Turquie. Et c'est époustouflant de voir effectivement ses origines et comment ces gens-là sont devenus des Turcs à 100%, mais j'aimerais bien à 150%. Le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale turque proclame la République et élit Mustafa Kemal président. Dernière étape de cette révolution, après avoir supprimé le sultanat, Mustafa Kemal fait abolir le califat le 3 mars 1924. Depuis, le monde musulman n'a jamais retrouvé de direction spirituelle unique. Les Turcs n'ont pas d'idée du nationalisme avant la fin du 19e siècle. Le nationalisme, il se développe à partir de l'Occident. Les Grecs sont les premiers touchés. Les Arméniens sont touchés au plus mauvais moment, je crois. Les Kurdes, c'est après. C'est à peu près en même temps, mais ça, dans le temps, il y a un décalage dans le temps, ce qui fait que la question kurde, elle se pose aujourd'hui. Elle a commencé à se poser, je dirais, à peu près en même temps que les Arméniens, de manière beaucoup plus ténue. Les Arméniens, c'était beaucoup plus clair. Ils avaient des partis politiques, ils avaient des revendications, ils avaient des députés, ils avaient un discours cohérent. Les Kurdes, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps. Et c'est maintenant que ça émerge vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces muadjirs d'origine turcique ? Turciques ou pas forcément turciques, mais en tout cas musulmans, c'est qu'ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu leur cadre de vie, ils ont perdu la quasi-totalité de leur richesse, ils ont perdu beaucoup de membres de leur famille. C'est quelque chose qui en Occident est pas du tout vécu, c'est-à-dire pas compris. Il y a quelque chose qui me semble qui devrait être étudié de plus près. Moi, je parle souvent de ce maelstrom, le terme de maelstrom, mais effectivement, une population de chassés croisés avec des conséquences qui sont véritablement dramatiques pour les uns et pour les autres. On a tendance à oublier que les musulmans de leur côté, et c'est pas forcément en Anatolie, mais c'est déjà dans les Balkans, c'est déjà dans les îles grecques, c'est déjà, eux-mêmes sont victimes d'exactions, de massacres, etc. Ils laissent beaucoup de morts sur les routes. Et donc sont véritablement à cran quand ils arrivent. Donc ça me semble quelque chose qui mériterait d'être travaillé de plus près. Le Bosphore, au cœur d'Istanbul, un simple bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe. 1963, la Turquie, membre de l'OTAN, est déjà solidement amarrée au camp occidental. Et elle noue ses tout premiers liens avec une institution européenne balbutiante. La Turquie signe son association à ce que l'on appelle encore le marché commun. La Turquie a choisi définitivement et sincèrement d'être membre du marché commun. En 1968, la visite du général de Gaulle marque les esprits. La Turquie est reconnue comme un partenaire de valeur et elle est saluée en langue turque. Fransanim, c'est l'Amini Sunahem. Les situations respectives de la Turquie et de la France leur offrent les meilleures raisons de rapprocher leur politique. Mais dans les années 70, un fossé se creuse entre l'Europe et la Turquie qui envahit Chypre. La guerre couve avec l'ennemi héréditaire grec. Et puis, la lancinante question kurde pointe les graves manquements turcs aux droits de l'homme. À la fin des années 80, les militaires desserrent leur étreinte sur le pouvoir. La Turquie redevient fréquentable. François Mitterrand s'y rend. L'adhésion est à nouveau sur la table. Conclusion de ce voyage, premièrement, la Turquie sera associée de plus en plus étroitement à la communauté européenne, mais sans entrer dans la communauté. L'humiliation pour le Premier ministre Bülent Ecevit, invité à Helsinki en 1999. On y célèbre l'adhésion des pays de l'Est, la Turquie, elle, reste à la porte. La Turquie est absolument furieuse qu'elle ne soit pas, dans le prochain élargissement. Finalement, très vite, elle va se calmer. Et pourquoi va-t-elle se calmer? Parce que la Turquie est très partagée. D'un côté, elle menace souvent l'Union européenne de dire « si vous ne me prenez pas, je suis une autre voie ». Le problème, c'est quelle autre voie? L'autre voie, c'est quoi? L'islamisme? Ou se tourner vers l'Asie centrale? Depuis l'année dernière, un islamiste modéré dirige la Turquie laïque. Plus encore, peut-être, que ses prédécesseurs, il aspire à faire franchir définitivement le Bosphore à son pays. Clairement, ils sont en train de se retourner, mais tous azimuts. Hein. C'est la politique de Davutoğlu, c'est, je dirais, l'Asie centrale, c'est raté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque consommé. Alors que les Turcs ont gagné des points, je dirais, il s'est passé plein. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Mais vraiment, on a une agence qui a été créée dans les années 90, c'est à l'époque du Turku Tözal, TİKA. On a une autre agence, je connais bien aussi Turksoy. On a toute une série d'agences turques qui ont été dans la culture. Il y a eu des travaux faits par les chambres de commerce, par les entreprises. Enfin, il y a eu des investissements croisés dans tous les sens. Il y a eu des échanges de touristes, etc. Il y a eu beaucoup d'étudiants, d'universitaires, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Là, on est dans un creux total. Parce que le discours, je dirais, islamiste turc ne passe pas du tout en Asie centrale. Donc la Turquie se retourne vers l'Iran, mais l'Iran est chiite, se retourne vers les pays arabes. Mais les pays arabes, non. Ça a été assez grandiose, tout le problème avec la Palestine, le One Minute Please contre Shimon Peres, etc. Enfin, mais tout ça. J'ai l'impression que dans les pays arabes, on n'y croit pas non plus. On est à couteau tiré avec l'Égypte. L'Égypte a supprimé les liaisons aériennes, a supprimé l'ambassade de Turquie, a supprimé les investissements turcs. La Tunisie est extrêmement gênée. L'Algérie a toujours été prudente. Le Maroc est gêné. Hein. Quand Recep Tayyip Erdogan a été au Maroc, le roi a refusé de le voir. Enfin, toutes ces choses-là. Donc, résultat de l'affaire, il y a eu toute une série d'ouvertures qui ont été préconisées vers l'Arménie. Blocage total. Vers les Alévis. Blocage total. Vers la Grèce. Blocage total. Là, on a une Turquie qui est en train de tourner en rond complètement. Le résultat de l'affaire, je crois que de la part des Turcs, c'est-à-dire qu'on ressent ça, par exemple, avec des gens qui sont plutôt de gauche, plutôt occidentalisés, plutôt démocrates, qui ont développé une sorte de haine féroce contre l'Occident, hein, et l'Europe en particulier, en disant, bah voilà, nous, on a fait des efforts depuis les derniers sultans, hein, depuis la période des Tanzimats, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, avec Atatürk évidemment, pour s'européaniser, pour s'approcher de l'Europe, et on n'a toujours pas réussi. Aucun pays au monde n'a été candidat aussi longtemps, et aucun pays au monde n'a si peu d'espoir de rentrer un jour dans l'Union européenne. Et je crois que là, il y a un retournement de situation, hein, qui fait que... Alors, une question qui était posée, c'était est-ce que Recep Tayyip Erdogan croyait réellement à l'entrée dans l'Union européenne ou faisait semblant d'y croire? Ça, c'est une vraie question. Parce que je pense qu'il y a une immense déception de catégories extrêmement nombreuses de la population turque, y compris ceux qui étaient les plus en faveur de l'entrée en Europe et qui sont tellement malheureux d'avoir été mis de côté comme ça, que finalement, bah, il y a eu une sorte... Oui, il y a eu plein de gens qui ont voté, soit qui ont voté pour l'AKP d'Erdogan, ou qui votent maintenant pour le parti d'Edemir Taş, c'est-à-dire le parti kurde, ce qui n'est pas très logique non plus. Mais je crois qu'il y a une déception totale. Après, on a des petits partis très marginaux, comme celui d'Obyenchek, qui va lui parler de racisme. Alors ça, c'est parce que comme les Russes. Hein. Mais c'est devenu très compliqué. Ça a toujours été compliqué, mais là, on a rajouté une couche, je dirais, de complications extrêmes par-dessus. De toute façon, l'Europe n'est pas capable d'agglomérer un pays comme la Turquie, et la Turquie ne veut plus de l'Europe, c'est clair. Quand je dis la Turquie, c'est pas 100% de la Turquie, évidemment. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de catégories de population qui auraient aimé et qui maintenant sentent que c'est fini. Une partie du désespoir non négligeable d'une partie non négligeable de la population turque par rapport à ça. Pays aux roses, que tes noires montagnes bien en place ne s'effondrent pas, qu'en galopant ton cheval gris clair ne trébuche pas, que l'extrémité de tes ailes ne se brise pas, que ceux qui disent Amen voient la face de Dieu, que le Dieu tout-puissant mettant ta vos péchés en face un paquet et les pardonne en l'honneur de Muhammad au beau nom. Un grand merci à Stéphane de Tapia, géographe, membre du réseau Migrinter, chargé de recherche au CNRS et spécialiste des questions migratoires. Il est notamment l'auteur, avec Mustapha Aslan, d'un article intitulé « Istanbul, le comptoir, le hub, le sas et l'impasse » qui est paru en 2003 dans la revue européenne des migrations internationales. Et il est également l'auteur de la notice consacrée à la Turquie dans le dictionnaire des migrations internationales paru chez Armand Collin en 2015. Merci également à Mohamed Rouabi, qui a eu la lourde tâche de nous conter les aventures épiques des premières tribus turques. Les lectures étaient librement adaptées du livre de Dédé Korkut, Dans la langue de la jante aux roses, ouvrage traduit du turc par Louis Bazin et Atlan Gökalp, et paru aux éditions Gallimard en 1998. Et enfin, merci aux musiciens iraniens Ahmad et Javid Yayazadeh et à Attar Torabi qui ont bercé nos oreilles aux douces sonorités de la mer Caspienne. Dans quelques instants, les hommes aux semelles de vent continuent de tracer un chemin entre Orient et Occident. Nous ferons halte en 1923, au moment charnière dans l'histoire du Moyen-Orient, qui vit la chute de l'Empire ottoman. France Culture. Les hommes aux semelles de vent. Itinérance en Méditerranée. Une grande traversée d'Odémilie Judaïc et Thomas Duterre. Grandes traversées, grandes épopées, celle de l'Empire ottoman et de sa chute n'en finit pas de s'écrire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Français et Britanniques se partagent le gâteau des restes de ce gigantesque empire que l'on appelait alors l'homme malade de l'Europe. Et oui, parce que jusqu'alors, l'Empire ottoman était considéré comme une puissance européenne. Mais bref, démantelé, dépecé, diront certains, l'Empire ottoman donnera naissance à une vingtaine de petits états-nations, plus ou moins artificiels d'ailleurs. Dans ce nouveau contexte géopolitique, les Kurdes vont alors se retrouver dispersés, éclatés sur quatre pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Tout de suite, l'homme aux semelles de vent Mouayed Assaf, traducteur kurde originaire d'Irak, nous livre sa vision intime de ce que l'on appelle pudiquement la question kurde. Il a dû quitter sa terre natale en 1992, suite à la guerre Iran-Irak, alors que le gouvernement réprimait violemment les Kurdes. S'il est réfugié politique en France depuis 2003, Mouayed Assaf n'en reste pas moins l'héritier de cette culture de la mobilité dont parlait Stéphane Le Tapia. Et surtout, il n'oublie rien des discriminations subies par les siens. Cet entretien a été enregistré en juin dernier. Pourquoi je voulais partir ? À l'âge de 11, de 12 ou 13 ans, cette envie de partir, parce que ça me manquait quelque chose, ça me manquait une liberté. Je savais que je suis kurde, mais je me sentais, je ne m'appartiens pas à ce monde-là uniquement. Très tôt, je réalisais que tout est fermé, alentour de nous. Un des répressions du régime de Saddam, quand j'étais petit, on ne pouvait pas tourner l'antenne. Pour capter un pays différent. Une autre chaîne ? Ouais. Alors, on devait, avec mes frères, et on est un peu nombreux dans la famille, de 12e étage en bas, on fait comme des escaliers chacun. Mon papa, il dort, oui, on tourne discrètement. Parce que le gouvernement, Saddam, ils ont mis en place des agents qui marchaient dans la journée dans les quartiers, qui regardaient les antennes. Si c'est quelqu'un, il orientait vers la Syrie, ça c'est sûr, le soir, c'était fini. Et c'est ça, je disais, pourquoi on n'a pas le droit de voir le pays d'à côté ? Nous ne sommes pas en guerre avec la Syrie, ni avec la Turquie. C'est vrai, je comprends, si l'Iran, c'est le pays en face. À l'âge de 6 ans à l'école, ça commençait la guerre déjà avec l'Iran. Comme à l'âge de 12 ans, avec mon oncle, on est parti vers le village. Mais à un moment, nous sommes un peu changé les trajets. Je lui ai dit, on y va où ? Il m'a dit, est-ce qu'on va à notre village ? J'ai dit, non, non. Notre village natal a été rasé plusieurs fois, en plusieurs reprises. Parce qu'il y avait plusieurs massacres par le régime de Saddam. Le massacre de Halabja, je me souviens, et nos familles, ils ne disaient rien sur ce massacre-là. Mais d'un seul coup, on voyait des populations dans le quartier, dans notre quartier. Et à ce moment-là, j'ai vu des gens habillés traditionnellement. Il y avait, en kurde, combattants, il y avait des armes sur eux. Et à ce moment-là, tous les jeunes, tous les quartiers commençaient à révolter petit à petit. Arbid s'était repris d'un seul jour. L'armée, il n'a pas résisté. Et là, ça commençait la première partie de la révolte kurde. Ça a duré un mois. Après, il y avait l'attaque du régime de Saddam, deuxième fois. Et j'étais obligé, à ce moment-là, la plupart des gens d'Arbil sont tous partis. Et à ce moment-là, je suis parti avec ma sœur, avec son mari, parce que ma sœur, elle avait 3 enfants, 2 jumeaux et une fille. Alors, chacun y portait un enfant. Et on a marché presque d'Arbil jusqu'à la frontière d'Iran, à pied. Et je me souviens toujours, j'oublierai pas ce monsieur-là, ce brave monsieur, quand on quittait Harbil, il se posait par terre avec son arme. Avec son arme, il résistait jusqu'à dernière minute. Pour dire je ne quitterai pas ma terre. Ben, c'est ça le sens, comme on dit, peshmerga. Le sens du mot peshmerga, c'est-à-dire avant la mort. Pesh, c'est avant. Merg, c'est la mort. Peshmerga. Regardez ces réfugiés kurdes. 40 000 hier, près de 100 000 aujourd'hui, dit-on. La panique, ils fuient à nouveau les gaz chimiques qui s'abattent depuis 5 jours sur leur village, près d'Alapcha. Le but des Irakiens, c'est de se débarrasser de la minorité kurde à la faveur de la guerre du Golfe. Ils avaient déjà détruit plus de 3500 villages sur les 5100 villages du Kurdistan irakien. Ils ont détruit plus de 2000 mosquées, une quinzaine d'églises, dont certaines datant du 5e, 6e siècle. Et ils veulent maintenant chasser de ces campagnes la population civile pour régler à leur manière la question kurde, comme les Ottomans avaient réglé la question arménienne pendant la Première Guerre mondiale. Installés sur 5 pays, les Kurdes se battent depuis près d'un siècle pour obtenir leur autonomie. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un combat d'un nouveau type, celui contre les armes chimiques, et ils sont singulièrement démunis. Donc vous êtes arrivé en Iran, et ensuite ? Ensuite, on a vécu 3 mois près de la frontière. Mais pendant ce passage-là, j'ai vu des choses, j'arriverai jusqu'à aujourd'hui ne pas oublier. Je voyais une dame, elle marchait, elle pleurait, et elle avait le bébé, elle portait un enfant. Et tout le monde disait, il est mort, arrête. Lance-la, fais quelque chose. Et à la fin, cette dame-là, je l'ai vue comment elle a lancé l'enfant dans la rivière, parce qu'on n'avait plus le temps. Elle dit, au moins, il part avec la rivière. Et ça, c'est des images comme ça, on ne peut pas le réparer facilement. Vous étiez nombreux sur les routes ? D'une demi-million plus que ça, des gens. Tu avais de l'argent, il n'y avait pas d'équivalent de l'argent. Tu voulais donner tout pour pouvoir acheter un petit biscuit ou quelque chose. Et même jusqu'à aujourd'hui, je ne mange pas de pommes. Parce qu'on mangeait des pommes pourries. Et on savait où on va tomber malade. Parce que vous n'aviez que ça. Oui, on était obligés. Et là, c'est très rare, manger des pommes. Ça m'a resté toujours dans la tête, un petit blocage. Mais j'espère que ça passera. Ils sont près de 2 millions à chercher refuge aux frontières de la Turquie et de l'Iran. Exode de tout un peuple terrifié. Et l'aide internationale tente de s'organiser. Déjà débordée, les volontaires du Croissant-Rouge distribuent là un peu de pain, là un bandage, là un médicament. On peut à peine soulager qu'il faut déjà opérer, amputer, enterrer aussi. Et toujours cette menace assourdissante des jets irakiens dans le ciel du Kurdistan. Hier, ils ont été chassés par l'aviation turque. Mais jusqu'à la prochaine fois. Et les réfugiés continuent de fuir. Quand je suis parti, je n'ai pas dit à personne. Pendant 5 ans, personne, ma famille ne connaissait pas des nouvelles sur moi. Je n'ai pas donné à personne. Et je jouais avec ma vie pour arriver, pour partir. Comment vous avez fait pour arriver jusqu'en France ? Bah, je suis arrivé en France en 2003, mais je suis presque, on peut dire, j'ai vécu 5-6 ans en Turquie, après 5-6 ans en Grèce. À mon époque, quand je vivais en Turquie, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être arrêté parce que je n'avais pas de papier. Les policiers, ils me demandaient de monter dans le minibus. Je monte, je ne cours pas, je sais comment ça marche en Turquie. Je ouvre le portefeuille, je dis, monsieur, en turc, j'ai 100 dollars. Division de partie, 50 pour vous. Même parfois, je ne parlais pas. Je sortais 50 dollars, je mettais là et descendais, ouvrir la porte et partir. Les années 94 ou 95, c'était chasse aux Kurdes à Istanbul. La plupart des injustes sur les Kurdes, et uniquement parce que vous parlez la langue, une langue, ce n'était pas la langue turque, tout de suite, la réaction des gens, de commerçants, de policiers, de juges, ça changeait tout de suite. Et j'avais envie d'aller à Diyarbakir. Je n'ai jamais réussi d'aller à cette époque-là à Diyarbakir parce qu'il y avait énormément de barrages de l'armée avant d'arriver à Diyarbakir. Et sans avoir papier, c'est impossible d'aller à Diyarbakir. Bah, c'est pour moi, je n'ai jamais vu cette ville-là. Et pour nous, Diyarbakir, c'était toujours la capitale du Kurdistan. pour moi personnellement, depuis mon enfance, c'était... Du Kurdistan mythique. Grand Kurdistan, absolument. Et j'aimerais bien, si on, un jour on a la liberté, d'aller faire un ménager. Vous n'avez pas réussi à y aller encore? Non. C'est un rêve? Non, ouais, c'est un rêve. Alors on dit en ce moment qu'avec l'effacement des frontières en Syrie, entre la Syrie et l'Irak, malgré le drame que représente la situation sur place, ça représente une opportunité pour les Kurdes, parce que peut-être ce serait enfin pour eux l'occasion de réunir les communautés kurdes qui sont aujourd'hui disséminées entre l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie, et de constituer ce fameux grand Kurdistan qu'on vous a promis il y a 100 ans et que vous n'avez toujours pas. La création du Kurdistan, je ne m'inquiète pas pour ça, personnellement. Peut-être que ce ne sera pas maintenant. Peut-être mon enfant ou mes petits-enfants, ils vont profiter de cette bonne nouvelle. Mais les choses plus importantes pour moi aujourd'hui, je vois, c'est le peuple kurde, ils sont unis. Ça, c'est assez nouveau quand même, hein, dans l'histoire des Kurdes. Absolument. Et ça fait chaud au cœur. Moi, je ne dis jamais Kurde Syrie, ni Kurde Turquie. C'est kurde. Ben, c'est kurde de l'Ouest. De nord, de l'est, du sud. Moi, je suis aujourd'hui, comme on dit, je suis obligé de porter un passeport irakien, mais moi, j'aimerais bien avoir mon propre identité. Nos ancêtres, ils ont donné leur sang, leur terre, ils ont vécu des choses pour justement pouvoir s'exprimer tranquillement, avoir une identité comme la plupart des gens. Moi, je suis quelqu'un curieux envers les autres. Je regarde l'être humain comme un être humain. Je ne le regarde pas ni papier, ni pièce d'identité, ni tout ça. C'est triste, la pièce d'identité. Identifier les gens comme des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Aujourd'hui, c'est triste d'imposer tout ce monde-là. Non, on est des quotas. Mais attendez, vous parlez de qui? Quel quota? La terre appartient à tout le monde. Mais même pour moi, les mots des pays, ça ne m'intéresse pas. France, Angleterre, Irak, tout ça, Kurdistan, pour moi, c'est n'importe quoi. Pourquoi on n'aime pas cette grande terre, la terre? Merci beaucoup, Moyen Assaf. Merci, merci. Comprendre pourquoi le sort semble s'acharner sur les Kurdes depuis le début du XXe siècle, je reçois aujourd'hui Hamit Bozarslan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes kurde vous-même, docteur en histoire et en sciences politiques et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit deux ouvrages de référence sur la question kurde, Conflit kurde, le brasier oublié du Moyen-Orient, qui est paru chez l'Harmattan en 2009, et également La question kurde, État et minorité au Moyen-Orient, réédité par les presses de Sciences Po en 2013. Et je reçois également Gérard Chalian, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopoliticien et vous avez publié au Seuil en mai dernier La question kurde à l'heure de Daesh. Alors aujourd'hui, les Kurdes représentent le plus grand peuple apatride au monde. Il vit écartelé sur quatre pays différents. Pour comprendre les causes de cette situation dramatique, il faut remonter à l'époque où, miné par le nationalisme ambiant, l'Empire ottoman explose en une myriade de nouveaux États fondés sur le principe « un peuple, une langue, une nation ». Alors, Hamit Bozarslan, peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi, à cette époque-là, ne voit-on pas éclore un nouveau pays, le Kurdistan ? Sans doute parce que les dynamiques internes ne suffisent pas encore, car... les lignes de clivage qui divisent les Kurdes sont multiples, entre les Kurdes du Sud et les Kurdes du Nord. Le facteur tribal joue un rôle extrêmement important et il n'y a pas d'instance fédératrice qui pourrait réunir l'ensemble de ces segments de la société kurde. Il y a un deuxième facteur qui intervient aussi. C'est que pour les Kurdes qui vont devenir ceux de Turquie, la solidarité religieuse est infiniment plus importante que la solidarité nationale intra-kurde. Et ils pensent que Mustafa Kemal, qui va devenir le président Atatürk, va pouvoir empêcher la division du Kurdistan entre plusieurs pays. Et puis le troisième facteur, qui est quand même le facteur colonial ou mandataire, car l'Angleterre a urgemment besoin du Kurdistan, qui va devenir le Kurdistan du Sud, le Kurdistan irakien, pour consolider l'Irak. Le contrôle de l'Irak est pour lui, est pour elle absolument central pour pouvoir s'imaginer, se projeter dans l'avenir comme un empire. N'oublions pas que l'Inde est à l'époque une colonie britannique, donc les Britanniques pèsent énormément dans la division du Kurdistan. Et de l'autre côté, effectivement, la France a une politique de grande puissance, et cette politique de grande puissance va conduire à la construction de la Syrie et du Liban. Et là encore, on voit qu'un facteur de division intervient. Mais pourtant, à un moment, il a été envisagé que les Kurdes aient leur propre État, en 1920, je crois, avec le traité de Sèvres. En 1920, effectivement, le traité de Sèvres envisage la création d'un État kurde, sauf que l'histoire se déroule différemment. N'oublions pas que la Grande-Bretagne et la France sont à l'époque totalement épuisées. Ni l'une ni l'autre ne peuvent envisager une nouvelle guerre, une guerre prolongée. Cette fatigue de la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale a meurtri les deux sociétés, explique qu'à un moment donné, ils font le choix, malgré tout, de l'Union soviétique, donc le retrait du Caucase, et de la Turquie, qu'ils considèrent comme un État susceptible de créer de la stabilité dans la région. Et c'est vrai que de 1920 au traité de Lausanne de 1923, il y a une résistance kémaliste. Cette résistance est d'abord et avant tout une résistance anti-grecque, puisque ce sont des Grecs qui ont occupé une partie de l'Anatolie. Mais j'ai l'impression que pour les deux puissances, la France et l'Angleterre, le contrôle du monde arabe, donc de la Syrie et de l'Irak, devient la priorité absolue, et non plus du tout la création d'un État kurde. Alors la conséquence, c'est ce qu'on appelle la dispersion des Kurdes. Tout d'un coup, les zones kurdes se retrouvent disséminées sur l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, on l'a dit. Et dans le même temps, surtout, les Kurdes passent de statut de majorité musulmane dans l'Empire ottoman à celle de minorité kurde dans les nouveaux États créés. Comment les Kurdes ont-ils vécu ce changement de statut, Hamid Pozarslan ? Très mal, parce qu'effectivement la promesse de Mustafa Kemal Atatürk, notamment aux Kurdes, c'était une sorte de fraternité musulmane kurde-turque, mais non seulement cette fraternité n'a pas été respectée, les Kurdes ont été considérés comme une menace potentielle pour la turcité, le critère qui fondait la nation, qui était jusqu'à maintenant officiellement du moins le critère religieux, a été doublé d'un critère linguistique, la répression a été absolument atroce au Kurdistan. Lorsqu'on lit les textes de 1925, les rapports internes de l'État kémaliste, on voit que très clairement ils considèrent les Kurdes comme un ennemi biologique, traitant la turcité dans son existence même. Donc la répression est atroce, mais les Kurdes sont également déçus parce que l'islamité de la Turquie a été sérieusement bousculée. Certes, la population a été totalement islamisée après le génocide des Arméniens et l'échange de population obligatoire avec la Grèce, mais en même temps le régime kémaliste a introduit aussi un sécularisme extrêmement forcé, avec l'interdiction des confréries religieuses, avec la confiscation totale de l'appareil religieux par l'État, avec l'abolition du califat. Donc pour les Kurdes, cela a été considéré comme une trahison, donc une trahison par rapport à la promesse de la fraternité kurde-turque, une trahison par rapport à l'islamité de la Turquie, et surtout une trahison parce que Mustafa Kemal n'a absolument pas assuré l'intégrité du Kurdistan et n'a pas pu empêcher la division. Et on sait que au Kurdistan d'Irak, le même sentiment prévaut, même si les Kurdes à l'époque disposent de quelques droits, notamment linguistiques, mais la promesse d'autonomie n'a pas eu lieu. Et tout d'un coup, effectivement, la capitale ne s'appelle plus Istanbul, la capitale s'appelle Bagdad. Le Kurdistan devient une province d'un État qui n'existait pas par le passé. L'arabe devient la langue officielle. Dès l'indépendance de 1932 et surtout le coup d'État de 1936, on voit que le nationalisme arabe s'impose de manière de plus en plus musclée. Et donc, dans les deux cas, effectivement, le sentiment est très amer et les révoltes successives éclatent dans les deux pays. Indésirables partout. Ce dimanche matin, sous les cris et les coups des militaires turcs, les réfugiés ont quitté Tchoukourdja. Retour forcé au camp, en territoire irakien. Au camp, l'aide s'intensifie, mais pour les Kurdes, cela signifie surtout que leur misère va durer, qu'ils ne pourront plus quitter ces collines boueuses avant longtemps, qu'ils n'ont plus nulle part où aller. Nous ne pouvons pas retourner en Irak, et nous ne voulons pas. Mieux vaut mourir ici que retourner en Irak. Et ce n'est pas une simple parole. Ici, tous les jours, la mort leur enlève un être cher. Les enfants, surtout, victimes du froid ou de déshydratation. Les autorités turques ont creusé une tranchée pour les ensevelir. Une fosse commune dans la boue d'une terre qui n'est même pas la leur. Daniel Mitterrand veut organiser un grand convoi routier et ferroviaire en faveur des Kurdes. La présidente de l'association France Liberté, qui avait déjà alerté l'opinion sur le sort des Kurdes il y a ça quelques années, a lancé aujourd'hui un nouvel appel à la solidarité. Vous habitez chez vous. Dans l'appartement à côté, vous avez un père qui a perdu la tête et qui est en train de massacrer sa petite fille. Elle appelle au secours. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites c'est sa fille, il peut la tuer? Vous ne le feriez pas. Eh bien, je crois qu'au niveau des populations, c'est la même chose. Quand une population appelle au secours parce qu'elle est exterminée, il n'y a pas d'ingérence impossible. Cette archive date de 1991, au moment où les Kurdes ont tenté de faire tomber le régime de Bagdad et subissent de plein fouet la répression de Saddam Hussein, ce qui les contraint à fuir par dizaines de milliers vers l'Iran et la Turquie. Pourtant, on ne peut pas dire que la Turquie ait été très accueillante à l'égard des Kurdes. Gérard Chalian, pourquoi, dès la fin de l'Empire ottoman, les Kurdes deviennent l'épine dans le pied des Turcs? D'abord, pour ne pas faire d'anachronisme, il faut bien expliquer que l'identité, au début du siècle dernier, se définissait dans toute cette région qu'on appelle le Moyen-Orient, d'abord par le facteur religieux. Aujourd'hui, tout le monde se situe comme je suis ceci, je suis cela. Mais à l'avant, il n'avait pas idée de cela. Bon. On était musulmans. On était issus des minorités albanais, chrétiennes. Kurdes, turcs, etc. Mustafa Kemal, qui était un dirigeant exceptionnel, il a parfaitement saisi ce passage entre le hier de la période impériale à la possibilité de la création d'un État-nation à l'imitation de l'Europe, Europe qui, à cette époque-là, était le modèle des modèles. C'est pourquoi il va adopter à la fois l'alphabet latin, le code juridique suisse, etc., etc. Lui comprend ça. Il sait où il va. Il a embarqué, comme dit Hamid Bozarslan, les Kurdes avec lui pour lutter contre les Grecs. Et les Kurdes y sont allés en tant que musulmans. Et puis dès que la victoire a été acquise, il a dit « ce pays est le pays des seuls Turcs ». En somme, les Kurdes ont été cocus. D'abord parce que, en tant que musulmans, on leur dit « le califat c'est fini ». Et en même temps, on leur dit « de toute façon, pour toi c'est très simple, ou tu t'assimiles, ou je réprime ». Il a beaucoup réprimé. Voilà. Là, on est très loin de ce qui se pratiquait dans l'Empire ottoman, quand même. Hein, oui. C'est une vraie rupture. Ah oui, c'est une rupture extraordinaire. C'est une césarienne qu'il a fait. Alors aujourd'hui, M. Erdogan lui reproche d'une certaine façon. Lui, il veut retrouver, si vous voulez, les racines de l'islam. Il veut à la fois être à la fois une sorte de calife, c'est ce qu'il aurait souhaité, et en même temps être l'image de Soliman pour le 21e siècle. Hein? Voilà, c'est ça. Bon. On nous bassine aussi. Je vous rappelle des choses, enfin, bon, avec les accords Sykes-Picot. Mais les accords Sykes-Picot, c'est le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres, c'était quoi? C'était un traité colonial où ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie allait être dépecée entre les uns et les autres, plus la zone italienne, plus la zone arménienne que les Arméniens n'avaient plus de toute façon la capacité même de défendre dans la mesure où la moitié avait été massacrée. Dans ce qu'on appelle depuis un génocide. Les Grecs avaient été battus, on avait fait un échange de population. Les Italiens, il n'était pas question qu'ils s'installent. Bon, les Britanniques qui convoitaient ce qui avait été promis aux Russes, les Dardanelles, c'est fini. Bon, en somme, les accords Sykes-Picot, il les a pulvérisés par sa guerre d'indépendance. Pendant ce temps-là, les Arabes qui pleurnichent aujourd'hui, je parle de Daesh sur les accords Sykes-Picot, ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient ni la capacité organisationnelle, ni la capacité politique de concevoir réellement le truc, ni la capacité militaire. Ils demandaient aux Britanniques de le faire pour eux. Mais personne ne fait pour vous rien dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, ils nous racontent qu'ils vont refaire les frontières. Ben, on va voir. On va voir s'ils sont capables de faire quelque chose. Et tant qu'ils n'auront pas un projet politique... Vous n'y croyez pas beaucoup. Mais non, j'y crois pas parce qu'ils n'ont aucun projet économique. Bon, alors maintenant revenons à notre question là. La question, c'était comment les Kurdes sont devenus l'épine dans le pied des Turcs, mais vous m'avez déjà répondu, puisque vous m'avez... Ben, je vous ai répondu qu'ils ont été réprimés. Alors, s'ils voulaient bien s'assimiler, ça allait. Il y en a qui se sont assimilés. Il y a des Kurdes qui ont oublié le Kurde, qui parlent le Turc. C'est une politique qui a été menée de façon systématique. Après les grandes répressions des années 20 et des années 30, ben, il y a eu le grand vide des années 50, des années 60, où il s'est passé peu de choses, jusqu'à ce que finalement des Kurdes réalisent pleinement que franchement ils sont des sujets de deuxième zone, pas des citoyens, et que c'est pas possible que ça dure comme ça. Et c'est voilà. À ce moment-là que le PKK est créé et que les Kurdes entrent en lutte armée en Turquie. Oui, alors ils sont une fraction, disons, de ceux qui refusent. Ce PKK s'impose en éliminant d'une façon assez nette les mouvements concurrents, et puis ils se posent avec la même brutalité que la répression turque. C'est-à-dire que c'est très gentil de dire le PKK est un mouvement stalinien, mais il faut voir qu'en face, bon, la pratique de l'armée turque dans les zones qui sont kurdes, c'était des pratiques de type fasciste, et puis c'est tout. Hein, les mots ont un sens. C'est-à-dire, il faut pas comme ça ne voir que d'un seul côté. Alors, il y a un mois, les Kurdes de Turquie ont commencé à prendre leur revanche. Le HDP, qui est le Parti démocratique des peuples, est entré au Parlement avec plus de 10% des suffrages aux élections législatives. Et il a ainsi pu déjouer les plans du président Erdogan, qui se voyait déjà modifier la Constitution pour concentrer tous les pouvoirs. Hamid Bouzarslan et Gérard Chalian, dorénavant, d'après vous, quelle risque d'être la stratégie de Erdogan à l'égard des Kurdes ? Oui, je pense qu'en premier lieu, il faudrait dire qu'on connaît aujourd'hui un certain renforcement de la société kurde au Moyen-Orient. C'est vrai que les sociétés disparaissent, on voit l'effondrement de la société irakienne et de la société syrienne, la situation n'est pas bonne ailleurs, de la Libye au Yémen, et en contrepartie on voit effectivement se construire une société qui s'appelle la société kurde. On le voit en Irak, on le voit en Syrie et on le voit aussi en Turquie. Ibn Khaldoun, un théoricien et penseur du XIVe siècle, disait que seuls les peuples venant des bas-fonds de l'histoire pouvaient devenir des acteurs historiques. Est-ce que les Kurdes vont pouvoir devenir un acteur historique? Cela reste encore à voir, mais il est évident que la situation d'il y a 25 ans, où leur existence même avait été menacée, n'est plus valable aujourd'hui. En deuxième lieu, je crois qu'en Turquie aujourd'hui, on assiste à une double évolution. D'un côté, il y a un microclimat politique kurde qui s'est constitué. Le Kurdistan ne fait plus partie politiquement de la Turquie. Il y a effectivement un parti politique qui est dominant, dans certains cas jusqu'à 75-80% des voix. Ce parti exerce une réelle influence hégémonique. Ce parti a dressé la carte du Kurdistan de manière extrêmement visible. Je crois qu'effectivement, ce phénomène est désormais irréversible. Vous n'êtes pas du tout à Izmir lorsque vous êtes à Diyarbakir. Vous voyez même vraiment des différences dans la chair même de la ville. De l'autre côté, ce parti se trouve aussi obligé de porter la Turquie. De porter une certaine Turquie de gauche, une gauche libérale, de porter une certaine Turquie plurielle, faite d'Arméniens, de Juifs, de Grecs, de porter la cause des homosexuels, c'était quand même quelque chose d'extrêmement neuf. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, le facteur kurde en Turquie se dessine en fonction de ce double impératif de construire le Kurdistan et en même temps de sortir du Kurdistan pour porter une certaine Turquie progressiste ou démocratique. La réponse d'Erdogan est une réponse extrêmement musclée, Gérard Chalian l'a rappelé. Effectivement, pour Erdogan, il s'agissait de renouer avec l'islam et l'Empire ottoman et de redéfinir la turcité à partir de l'islam, et il voulait effectivement réintégrer les Kurdes dans cette structure. Nous vous reconnaissons, mais désormais vous devez aussi réintégrer la nation turque et musulmane. Ce jeu n'a pas marché, et aujourd'hui on voit effectivement que le discours d'Erdogan se fait de plus en plus musclé, de plus en plus anti-kurde, de plus en plus nationaliste et de plus en plus menaçante par rapport aux Kurdes en Syrie. Quatre fois plus grand que le château de Versailles. Dans son style imposant, avec ses 1150 pièces, le nouveau palais présidentiel surplombe Ankara, la capitale turque. L'œuvre a été pensée et commandée par le président Erdogan. À chaque visite de chef d'État, le nouveau maître des lieux apparaît, entouré de 12 guerriers, représentant tous les empires de l'histoire turque. Jamais Erdogan n'avait aussi bien porté son surnom de sultan des temps modernes. L'homme qui se présentait comme un libéral pro-européen, un islamiste modéré, ne cache plus ses envies de renouer avec le prestige de l'Empire ottoman, disparu il y a près de 100 ans. Le dernier projet est en train de sortir de terre, la mosquée de Şamlıca, une œuvre monumentale. Elle doit être visible de partout à Istanbul. 107 mètres de haut, une des mosquées les plus grandes du monde. Le message est on ne peut plus clair. En rupture avec la République laïque de Turquie, il s'agit de renouer avec le prestige islamique de l'Empire ottoman. Le maire du quartier est un proche du président Erdogan. Nous sommes les petits-enfants des Ottomans. À Istanbul et dans toutes les villes de Turquie, il y a beaucoup de mosquées magnifiques, mais elles ont 300 ou même 500 ans. Depuis 100 ans, plus aucune mosquée n'était construite. Nous rattrapons notre retard aujourd'hui. Comme le disait Stéphane de Tapia dans le documentaire que nous avons écouté ensemble, on voit bien que la Turquie se cherche et qu'elle se trouve visiblement une nouvelle fierté en renouant avec ses racines ottomanes. Gérard Chalian, comment comprenez-vous ce regain d'intérêt pour le passé glorieux des Ottomans ? Est-ce qu'il s'agit juste d'un folklore un peu grotesque comme ça ? Ou bien est-ce plus grave que ça ? Bon, c'est plus important. On comprend parfaitement que cette césarienne accomplie par Mustafa Kemal aujourd'hui fait que culturellement vous avez un désir de renouer avec le passé dont il n'y a pas de raison de se couper de façon complète parce que ça fait partie de votre culture, votre histoire. Ceci dit, dans la perspective de monsieur Erdogan, c'est une façon d'abord de se situer dans la grandeur avec son côté mégalomaniaque. L'allusion à son palais en est une illustration, avec la construction de la mosquée majeure qu'il entreprend. Tout ceci vient du fait que pendant plusieurs années, effectivement, l'AKP a réussi la chose la plus importante, c'est-à-dire la croissance économique. Le développement, c'est quelque chose que le Daesh et tous les islamistes radicaux n'ont jamais, jamais, nulle part réussi. Que ce soit les talibans ou que ce soit les frères musulmans, etc. Donc les Turcs, bon, ils ont travaillé, ils ont réussi à faire un pays modernisé. Et bien sûr que sur le plan politique, eh bien on dit il y a des dividendes à tirer de cela. Est-ce qu'on va pouvoir redevenir un centre ? Malheureusement, non. Avec les Égyptiens, ça n'a pas marché. Or, il n'y a que 3 États au Moyen-Orient, et depuis toujours, hein, la Turquie, l'Iran et l'Égypte. Voilà, avec l'Égypte, ça ne marche pas. Avec l'Iran, en définitive, même si on fait semblant d'avoir des rapports, au fond, c'est l'adversaire depuis toujours, depuis le début du XVIe siècle. C'est également la coupure, et s'il y a un choc, on parle beaucoup de choc en ce moment, ben, s'il y a un choc, c'est celui entre sunnites et chiites. Celui-là, il existe, puisqu'il est mené par l'Arabie Saoudite depuis cette réislamisation dans laquelle ils se sont lancés au lendemain de la première crise pétrolière et qu'ils ont accéléré à partir du moment où en 79, M. Khomeini a prétendu être le véritable représentant d'un État islamique. Bon, tout ceci fait partie, si vous voulez, dans quoi se situe la Turquie, c'est-à-dire comment on peut jouer. La pratique, enfin en tout cas la politique de M. Davutoğlu, qui disait, bon, on va faire zéro problème autour de nous, ça n'a pas marché du tout, des problèmes, il y en a partout. Donc, que va faire la Turquie aujourd'hui? Je pense que, à mon sens, avec l'échec relatif de M. Erdogan, il va donner dans le nationalisme. À mon avis, c'est la corde. C'est ça, on sent le repli identitaire. À mon avis, c'est la corde qui va marcher le mieux. Voilà, c'est tout. Nous sommes dans une époque de nationalisme. Quoi que pensent beaucoup de gens sur on va refaire le califat et nous sommes tous ensemble. Ça, c'est de la symbolique. D'un côté, on refait le califat, de l'autre, on refait le sultanat. On a l'impression qu'on rejoue l'histoire comme ça, ouais, sans fin. Ouais. Mais le nationalisme reste aujourd'hui une force extrêmement importante, particulièrement dans des pays comme l'Iran ou la Turquie. Et quel jeu joue la Turquie face à l'État islamique ? Elle joue un jeu dangereux quand même. Oui, c'est un jeu. Enfin, je vais laisser Hamid répondre, mais bien sûr, c'est un jeu extrêmement ambigu. Monsieur Erdogan désire en donner le moins possible aux Kurdes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une épine dans le pied. Donc, il va évidemment aider, de façon ouverte ou pas, tout ce qui peut nuire aux Kurdes. Donc le Daesh, c'était une occasion magnifique. Lorsqu'il y avait Kobané, indiscutablement, la politique d'Erdogan, c'était ben, « j'espère que Kobané va tomber ». Il a tout fait. Lorsque les États-Unis ont insisté pour qu'ils laissent passer 150 Peshmerga irakiens, il les a fait attendre pendant une petite semaine à la frontière en se disant « ah, peut-être qu'ils vont s'effondrer ». Bon, ça n'a pas marché. Les autres ont tenu. Ils ont tenu. Et depuis, d'ailleurs, ils font mieux. Ils font une contre-offensive qui affaiblit le Daesh dans des endroits infiniment plus importants que la prise de Palmyre, comme Tel Abyad ou Aïn Issa. Non, ce dont je veux dire, dans la presse française, c'est à peine mentionné l'importance stratégique extrême. Bon, ces Kurdes de Syrie se battent bien parce que ils sont galvanisés, ils sont motivés, etc. Bon, vous voyez, tout ça compte beaucoup et dans la perspective de M. Erdogan, il faut tout faire pour que entre les islamistes, pas seulement le Daesh, mais les islamistes syriens et l'État turc, on puisse se débarrasser des Kurdes de Syrie. Voilà. Ici, c'est le dernier checkpoint des Peshmerga et le pont que vous voyez juste en face de nous, les djihadistes sont là. Ils sont cachés sous le pont. Aujourd'hui, les forces kurdes ont remplacé l'armée irakienne, qui est pourtant censée contrôler le secteur. L'ennemi est tout proche et les affrontements encore réguliers. Le capitaine Farman est chargé de la sécurité sur le poste avancé de Kirkuk. Vous voyez, c'est la ligne de front que nous devons défendre. Jour et nuit, nous patrouillons pour assurer la sécurité. Au total, on doit contrôler quelque 1050 km de frontière face à l'organisation de l'État islamique. Alors que les Kurdes n'ont connu que l'infortune pendant un siècle, je reprends votre expression, l'expression que vous avez reprise, Gérard Chalian, dans votre livre « La question kurde à l'heure de Daesh », en fait, on assiste actuellement à un véritable revirement de situation. Les Kurdes apparaissent désormais sur la scène internationale comme les seules forces capables de faire obstacle à l'expansion de l'organisation de l'État islamique. Serait-ce pour eux, d'après vous, Gérard Chalian et Hamid Pozarslan, serait-ce pour eux une occasion historique de négocier que soit enfin créé un État kurde indépendant ? Ça vous paraît plausible, ça ? Oui, avant de répondre peut-être à la question de l'indépendance future, il faudrait dire que tout au long des années 2000, les Kurdes irakiens se considéraient comme faisant partie du Golfe, avec une économie libérale, en créant des skylines, de gratte-ciel dans les villes kurdes. Et les Kurdes syriens pensaient que finalement, voilà, ils avaient obtenu leur autonomie et qu'il n'y avait plus de danger. Dans les deux cas, on se considérait un peu comme une sorte d'atteinte du Moyen-Orient, matinée du Golfe. Or, le Daesh leur a rappelé l'obligation, la nécessité de redevenir Sparte. Et aujourd'hui, effectivement, je crois qu'aussi bien au Kurdistan d'Irak qu'au Kurdistan de Syrie, on a l'impression qu'il y a une refondation du social, mais sur une base également militaire, car il est évident que le Daesh représente un défi qui est très très différent de défi que les États représentaient. On ne peut pas dire que Daesh soit, ou l'État islamique, je ne sais pas pourquoi on dit Daesh pour ne pas dire État islamique, hein, alors que Daesh veut dire exactement État islamique. Exact. Voilà. Donc l'État islamique ne s'identifie pas au nationalisme arabe, même si on sait qu'il y a effectivement un fond du nationalisme derrière. L'État islamique ne reconnaît pas les frontières. Mmh. Je crois qu'effectivement, remercie radicalement en cause les frontières. L'État islamique se base sur une dynamique de mujahid, donc ces dizaines de milliers d'Arabes ou de non-Arabes qui sont venus d'ailleurs. Et donc, l'État islamique bouscule la carte. Et donc, pour le moment, je crois que les Kurdes doivent se réorganiser, mais se doter d'un nouveau sens politique pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le Daesh est et comment ils vont pouvoir se positionner par rapport à cela. En deuxième lieu, est-ce qu'un État kurde est possible ? Dans les faits, aujourd'hui, on a deux États, deux entités de type étatique, avec de très larges prérogatives, qui sans doute ne se déclareront pas comme État. Mais on sait aussi que depuis la fin de la guerre froide, dans énormément de parties du monde, il y a des États de fait qui ne sont pas des États reconnus juridiquement, mais qui sont là et qui parfois sont beaucoup plus stables. Pensez au Somaliland et comparez le Somaliland à la Somalie dont il fait officiellement partie. Donc on peut parfaitement imaginer des structures qui peuvent être durables et qui sont hybrides. Un peu hybride, nécessairement hybride, hein, mais en même temps avec une réelle capacité, avec une réelle cohésion sociale, avec une réelle capacité d'articuler le pouvoir et les demandes sociales, même si je suis au courant de la corruption, de l'inertie économique, etc., au Kurdistan d'Irak, hein, je crois que dès qu'il s'agit de la question kurde, là vous avez une sorte de jonction entre le haut et le bas. Est-ce qu'un État kurde pourrait exister à l'avenir ? Je crois que seul l'avenir pourra nous le dire. Mais n'oublions pas que tous les États du Moyen-Orient aujourd'hui sont stables. Gérard Chalian a souligné que la Turquie a joué avec le feu. Je crois que l'Iran et l'Arabie Saoudite jouent aussi avec le feu. Et ces trois États, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas des États stables. Il y a des lignes de clivage extrêmement violentes qui les traversent. Il y a des compétitions internes. Il y a des territoires qui se sont autonomisé, je crois que qui joue avec le feu dans ce Moyen-Orient-là paiera aussi le prix un jour ou l'autre. Merci messieurs. Je rappelle que Hamid Bozarslan, vous êtes l'auteur de Conflit kurde, le brasier oublié du Moyen-Orient, paru chez Autrement en 2009, et de La question kurde, État et minorité au Moyen-Orient, réédité par les presses de Sciences Po en 2013. Je précise aussi que vous venez de publier aux éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Révolution et état de violence, Moyen-Orient 2011-2015 ». Gérard Chalian, vous venez de publier au Seuil « La question kurde à l'heure de Daesh » et également d'écrire un nouvel ouvrage avec Jean-Pierre Rajot intitulé « Géopolitique des empires, des pharaons à l'impérium américain » qui sera édité par Flammarion le 23 septembre 2015. Vous retrouverez bien sûr toutes les références bibliographiques et musicales citées dans l'émission sur le site internet de France Culture, à la page réservée à notre grande traversée. Prise de son et mixage, Alain Joubert et Valérie Lavalard. Préparation, Flora Isidore. Réalisation, Thomas Duterre. Les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée. Une émission d'Odémilie Judaïque. Demain, les hommes aux semelles de vent arpentent les routes de l'islam. Dès 9h, nous vous emmènerons à la rencontre des premiers musulmans, qui, sous la bannière des califes omeyyades, propagèrent la culture arabo-musulmane. Rendez-vous donc demain sur France Culture. Et d'ici là, belle journée à tous. Je laisse le dernier mot à la chanteuse kurde de Turquie, Aynur Dogan, qui chante ici « Rewan Nomad », un titre extrait de son album « Ketçakurdan, interdit pour propagande ».